Overdrive on Radio Dio. We'll be right back. Hello à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Duo. En ouverture, cet album Horns for Her Halo qui vient de voir le jour sur Nuclear Blast du groupe Elegant Weapons. Vous ne connaissez pas Elegant Weapons, mais vous connaîtrez son guitariste fondateur. Il s'agit de Richie Faulkner de Judas Priest qui a remplacé KK Downing au début des années 2010. Il nous sort là un premier album, non pas solo, puisqu'il a défini ce Elegant Weapons comme un nouveau groupe. On le retrouve accompagné de l'excellentissime chanteur Ronnie Romero qu'on a vu sur les dernières années de la vie de Rainbow sur l'album. C'est Rex Brown de Pantera avec Scott Travis bien sûr dans Priest. Ils ont depuis tous les deux été remplacés. Voilà, donc le père Faulkner a envie un petit peu, à mon sens, de préparer l'après-Priest, hein, tout simplement, puisqu'on sait tous, hein, le groupe britannique de Birmingham ne durera pas, malheureusement, éternellement, d'ici 10-15 ans. On ne devrait plus pouvoir acclamer le groupe de Rob Halford sur scène, comme on le fera le 5 avril 2024 en compagnie de Saxon. Voilà, pour débuter Overdrive, Neil Sean en solo avec Dean Canastronovo à la batterie et au chant sur Just the Same Way en live dans Overdrive. Ce soir, interview dans quelques minutes. On s'envoie ça tout de suite. De bonne humeur, bien entendu. Yesterday was a good day. Allez, maintenant, sans transition, le groupe Nighthawk avec cet album Prowler. Il ne s'agit pas d'une reprise de Maiden, mais d'un morceau qui s'appelle Running Wild. Nighthawk, tout de suite dans Overdrive Radio Dieu. Yes, vraiment excellent. Des grosses influences du Night Flight Orchestra dans ce Nighthawk. Et on va continuer maintenant dans Overdrive avec le groupe Witchskull qui nous sort sur Rise Above et ce Serpent Tide. On est là dans une veine qui se veut beaucoup plus stoner dans l'esprit. Toujours de la bonne musique sur Overdrive Radio Duo avec Witchskull tout de suite. Yes, vous venez d'entendre Which is Called the Serpent's Tide. Ce soir dans Overdrive, on continue avec le groupe iSurf qui nous sort cet album Hellrider, qui est une compilation de mini-albums qui était sorti au milieu des années 2000, avec une partie qui était enregistrée par Barlow et une autre enregistrée par Tim Reaper Owens. C'est cette dernière qu'on va diffuser avec un morceau Birth of the Wicked qui était originellement composé par Matt Barlow, qui ici est passé à la sauce Reaper. iSurf tout de suite avec Birth of the Wicked, et c'est dans Overdrive Radio Duo. We'll be right back. Vous venez d'entendre High Stuff avec Buff of the Wicked, réenregistré par Tim Reaper Owens. C'est extrait de la compilation qui est en fait deux mini-albums qui sont collés l'un après l'autre. Hell Rider, ça vient de sortir sur le petit label Roar, Rock of Angels Records. Ce soir dans Overdrive, j'ai la chance d'avoir Slow à l'autre bout du fil. Est-ce que tu nous entends bien? Ouais, je vous entends bien. J'espère que de ton côté, c'est cool, écoute, aussi. Ça fonctionne plutôt bien. Tu es de quel côté en ce moment? Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué. Je suis perdu du côté de Montreuil, dans une ruelle où je me suis retrouvé à une soirée complètement improvisée. Mais voilà, j'ai trouvé un coin de rue plutôt cool. Donc, je préviens les auditeurs, de temps en temps, on entendra peut-être un scooter passer, mais... Voilà, ça devrait pas gêner la bonne compréhension de mes propos. Une ruelle sombre, donc j'imagine que tu prends un petit peu d'inspiration pour ce que tu pourrais nous agrémenter dans le futur de Metal Maniacs. Alors qu'est-ce que c'est que Metal Maniacs ? Toi, tu n'es pas musicien, tu es connu pour être un dessinateur et tu as participé, et tu as réalisé plutôt, cette bande dessinée Metal Maniacs qui était connue pour deux tomes que j'avais connus il y a de ça environ une petite dizaine d'années, c'était au milieu des années 2010. Des petits tomes qui étaient vraiment super marrants, tout en noir et blanc, qui définissaient en plus un peu l'histoire du métal avec une bande de potes qui était un petit peu, on va dire, des clichés de certaines parties du métal. On avait le coro d'un côté, le black metal de l'autre, le thrasher qui pensait qu'à boire des bières, etc. Et toi, donc, tu as donné vie un petit peu à tous ces personnages. Vous êtes deux là-dessus. Et aujourd'hui, en 2023, si je ne me trompe pas, vous ressortez ces deux tomes agrémentés d'une, on va dire, d'une édition bonus, on va dire, et colorisé. Donc, pourquoi ce choix de ressortir ces deux tomes, on va dire, dans une version deluxe, plutôt qu'une suite à proprement parler ? Alors, déjà, pour revenir à l'origine du truc, comme tu l'as déjà évoqué, je suis pas tout seul sur le projet. À la base, c'est Chef, le scénariste, qui lui était scénariste BD et métalleux, et qui, à force de voir des BD de plus ou moins bonne qualité sortir sur tout et n'importe quoi, sur les pompiers, les rugbyman, etc., un jour, au comptoir d'un bar métal, il s'est dit « Ah, un jour, ils vont sortir une BD, ça va être nul, ça va juste raconter deux, trois blagues sur Satan et sur le fait de boire trop de bière, et ça sera imbuvable. » Et là, son pote à côté a fini sa pinte, elle lui a dit « Bah, vas-y, fais-le, toi !» Ce qui fait que, grosso modo, trois ans plus tard, moi j'arrive à Paris en tant que jeune dessinateur, je me retrouve dans ce bar métal, et en discutant, il y a un des gars qui connaissait donc Fef le scénariste, il m'a dit « Toi, tu bouges pas !» Et hop, il m'amène Fef. Bon, on a pas mal picolé jusqu'à 6h du mat à échanger sur la BD, etc. Et puis, à partir de là, on s'est dit « Bah ouais, on va le faire !» Et donc, quand je l'ai rencontré, il y avait déjà grosso modo 300 gags qui étaient écrits de manière très anecdotique, parce que c'était basé sur ce qu'il avait entendu, sur ce qu'il avait vu, ce qu'il avait vécu. Et à partir de là, on a fait un travail pour en faire, pour créer des personnages à partir de ça, et sortir une BD métal avec des gags en une page, avec des personnages qu'on retrouve à chaque fois, qui représentent, comme tu l'as bien dit, un peu des caricatures bienveillantes de chaque style. Et donc voilà. Et on l'a présenté à plein d'éditeurs. Il y en a aucun qu'on a voulu à l'époque, parce que le Hellfest n'était pas devenu la grosse machine médiatique qu'il est aujourd'hui. Et donc on l'a sorti en auto-édition. J'ai monté une petite structure d'édition. C'est ça que les deux premiers tomes sont sortis d'abord en noir et blanc, en version, on va dire, entre le fanzine et la BD indépendante, quoi. Mais donc voilà, tout en noir et blanc, parce que tout simplement j'avais pas la thune pour sortir ça en couleur. Donc le premier est sorti en 2008, si je me trompe pas, le deuxième en 2010, et puis le tome 3 devait sortir, c'est devenu un running gag, et puis pour des raisons personnelles, j'ai repoussé jusqu'à un moment où j'ai baissé les bras, parce que dans ma vie ça allait pas bien du tout à ce moment. Puis depuis en 2021, aux sorties de Covid, étrangement moi j'allais mieux. Je me suis dit, allez, on relançait le truc. Allô ? Tu m'entends encore ? Ouais, ouais, il y a juste une petite coupure, pas de souci. Ah, donc depuis la fin du Covid, tu vas ouais. mieux ? Ouais, ça va mieux, et donc on s'est dit, bah, on va relancer le truc avec un vrai éditeur derrière pour nous soutenir et même botter un peu les fesses. Donc voilà, là, depuis 2 semaines, donc comme tu l'as dit, l'intégrale ressort avec des pages inédites, tout en couleur, avec une belle couverture, un peu métallisée. Enfin voilà, on a fait ça bien. Donc ça sort aux éditions Lapin, c'est disponible un peu partout dans toutes les librairies. Truc un peu marrant, c'est que c'est disponible en France, Belgique, Suisse et Canada. Donc voilà, on est passé du truc fanzine autoproduit à un truc qui est un beau bouquin qui est disponible maintenant partout. En hardback, si je me trompe pas. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors que les reliures précédentes étaient souples. Ouais, voilà, c'était du dos carré collé. Bon, là, c'est un peu technique d'impression, hein, mais en gros, ça tenait par de la colle, alors que là, c'est une vraie couverture courte. Cartonné, qui tient avec une belle reliure. L'ouvrage en tout fait 166 pages, tout colorisé par Niarla, qui a passé 6 mois à bosser comme une ouf pour coloriser toutes ces pages. Et donc voilà, là ça ressort et on est super content du résultat. Et a priori, voilà, si tout se passe bien, on relance la machine et le tome 3 tant attendu par les fans de l'époque devrait sortir d'ici, on va dire 2 ans, le temps de bien retravailler tout ça, quoi. Eh ben, avec plaisir. Alors, dis-moi, l'aspect couleur, c'était quelque chose que tu voulais dès le début, que tu avais un peu imaginé. Donc, ouais. Le noir et blanc, c'était un choix un peu par défaut. Ou alors, c'est fait comme ça. Ah oui, c'était vraiment par défaut. Quand on a fait le dossier de bande dessinée qu'on a proposé aux éditeurs, nous, on voulait faire de la couleur. Surtout que l'essentiel de la BD dans la première partie se passe dans un bar métal, mais y a régulièrement des pages qui se passent en concert ou en festival. Et un des aspects qui me paraissait important au niveau graphique, c'était justement ces explosions de couleurs. Parce que mine de rien, une expérience de concert, alors métal en particulier, mais en général aussi, un petit coucou à tous ceux qui sont ingés lumière parce qu'ils font un travail de ouf qui est pas toujours... porté sous la lumière. Et vraiment, moi j'avais vraiment envie de mettre en avant aussi le travail des ingés de lumière. Et un concert de métal, c'est pas juste de l'image, il y a un ressenti au niveau des lumières qui apporte vraiment quelque chose. Si quelqu'un qui nous écoute a déjà vu un groupe comme Meshuga, c'est absolument incroyable. Alors c'est un groupe qui nous assomme littéralement par le son, mais également par les lumières et par la façon. Donc chaque coup de batterie et de guitare est strictement relié à une lumière précise. Et il y a un travail de scénographie absolument gigantesque derrière. Ah bah ouais, c'est clair, c'est énorme. C'est pour ça que quand on pense concert métal, souvent l'image qu'on a, c'est le groupe devant et puis un gros backdrop avec le logo derrière. Mais en fait, le backdrop, on pourrait très bien le virer. Et avoir autre chose derrière. Alors, maintenant, justement, comment s'est passé ce travail de colorisation ? Tu nous as dit que tu as délégué un petit peu cet aspect des choses. Comment est-ce que ça s'est passé et est-ce que vous avez travaillé là en collaboration ? Attends, vas-y, on t'entend un peu moins bien là. Ah, désolé. Mais c'est bon, c'est revenu. Ça s'est passé en étroite collaboration. On avait déjà des pages couleurs qui avaient été publiées dans Feu Hard Rock Mag, qui n'existe plus aujourd'hui. Mm-hmm. Et donc ces pages-là étaient en couleurs, ce qui fait que la coloriste a pris ça comme référence. Et puis, par le biais du blog, régulièrement, on mettait en ligne des illustrations qui étaient en couleur, parce que les personnages, depuis le départ, ils ont toujours été conçus en couleur. Tu les avais imaginés dès le début en couleur, en fait. Carrément. Y compris sur les couleurs de peau, ce qui fait que le black métalleux, il a une couleur un peu grisâtre pour appuyer le côté un peu goth, un peu sorti des ténèbres, alors que le personnage de Vince, qui est le death métalleux bon vivant, on va dire le représentant de la tribu métal, si on veut vraiment simplifier, lui, il est bien, il a un nez bien rosé, on voit qu'il c'est un bon vivant. Et donc chaque perso comme ça avait vraiment un code couleur qui était censé représenter un peu son état d'esprit. Il faut pas oublier le petit glameux aussi. Oui, le petit glameux qui donc pour ceux qui connaissent pas la BD, on a on a pris soin au départ d'intégrer un personnage qui connaît pas du tout le métal, qui arrive dans le bar métal, le Dark Knight, donc dans la BD, et qui arrive qu'à un rendez-vous avec un mec qui finalement n'est jamais venu pour lui faire découvrir le métal. Et donc il croise nos quatre personnages principaux, il leur explique « Ouais, j'avais rendez-vous avec Seb pour me faire présenter le métal », et là direct, hop, ils ont les yeux qui s'ouvrent, et chacun leur présente des trucs, il y en a un qui lui sort des flyers, « Ah, voilà, tu vas voir, ça va être cool », il y en a un autre qui lui sort des CD, d'autres qui lui demandent « Est-ce que tu connais Satan ?» Donc voilà, et ce personnage-là qui connaît pas du tout le métal nous paraissait important parce qu'il sert aussi de point d'accroche pour les lecteurs qui connaissent pas du tout le métal. Parce que notre volonté, c'était vraiment de faire une BD pour les métalleux, par des métalleux, mais qui s'adresse aussi à ceux qui connaissent pas du tout cet univers et de leur montrer qu'il y a une richesse et une autodérision qui est présente dans tout cet univers fourmillant dont nous, en tant que métalleux, bon, on est habitués, mais pour quelqu'un qui connaît pas du tout, ça peut un peu rebuter et ça peut vite verser dans les a priori. Et donc voilà. Ok, écoute, moi je te propose de passer à un premier extrait pour ce soir, Maniac, ton choix. Ouais. Alors Maniac, connu pour la BO de Flashdance, si je me trompe pas. Exactement. Repris par un groupe français. Alors c'est un morceau qui depuis quelques années est repris à toutes les sauces. Moi j'ai vu Avantasia qui l'a fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Carpenter Brut qui l'a repris de manière magistrale. Carpenter Brut, exactement. Et ici, alors peut-être que c'est la première version métal, parce que j'en ai pas entendu de plus ancienne que oui, ça. Oui, exactement. Carnival Incall, pour les amateurs de musique un petit peu tout venant, qui part un peu dans tous les sens. C'était un groupe français bien avant l'aspect gag un peu d'un ultra vomite, qui avait insufflé une grosse dose d'humour dans sa musique, tout en repartant dans plein de directions différentes. Ça pouvait aller d'un Faith No More jusqu'au death metal, en passant par de la polka. Le groupe de Charles-Élie Arnaud, qui est maintenant rédacteur dans Rockhard Magazine. Ouais, évidemment. Qu'on salue bien bas. Donc pourquoi ce titre? Ah, parce que déjà, moi, ça a été un gros kiff, ce morceau. Et puis, étant à la fois fan de métal extrême et de disco, quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait « Ah, mais ouais, en fait, on peut être fan des deux, il n'y a aucun souci. » Et en plus, il y a des gars géniaux qui peuvent vraiment lier les deux influences. Et puis, à titre vraiment complètement personnel, c'est un morceau génial pour finir une soirée entre potes bien arrosés. Pour bien finir la soirée, c'est parfait. Au Dark Knight, justement. Ah, au Dark Knight ou chez soi, n'importe où, même sous la douche. Mais voilà, c'est un morceau qui à la fois fait bouger le popotin et fait bien casser les nuques. Donc, il est parfait. Eh ben, c'est parti, Carnival Incall avec Maniac. Dancing like you never did before. Voilà pour Carnival in Call Maniac. C'est le choix de Slow de Metal Maniacs, cette excellente BD super marrante qui vient de voir le jour sur les éditions Lapin, qui sont basées pas très loin de chez nous, du côté de Lyon, il me semble. Ouais, c'est Villeurbanne. Ça. Ouais. Et donc jetez-y-vous dessus, vraiment excellente, super marrant pour tous ceux qui ont déjà fréquenté un petit peu des bars métal, des festivals qui sont tout simplement un peu de cette culture-là. Ils se reconnaîtront d'une façon ou d'une autre dedans et puis ils reconnaîtront également, à mon avis, des potes. Maintenant, le Dark Knight, c'est un peu le Black Dog de Paris. Ouais. C'est là où on s'est rencontré avec le scénariste. C'est un peu son quartier général, on va dire. C'est là où il est depuis je sais pas combien d'années, mais c'est là où il est à la débauche le vendredi soir. Donc voilà, il a un lien très très fort avec ce bar. Et d'ailleurs, on fait une release party demain. Demain samedi, donc ça va être plutôt cool. Quoi. Alors nous, on est plutôt basé du côté de Saint-Etienne, donc un peu loin pour les Stéphanois, néanmoins, s'il y en a qui sont du côté de Paris, vraiment filé au Black Dog pour justement la release party de Metal Maniacs. Qu'est-ce que vous avez prévu dédicace L'après-midi, on dédicace en librairie du côté de Montparnasse, dans une librairie BD qui s'appelle L'Art Invisible. Un des libraires est également métalleux, comme de par hasard, jusqu'à 17h, et puis à 21h, on investit le Black Dog, et je vais faire une petite fresque. En même temps, Fev s'occupera de gérer la musique au sous-sol, et puis l'idée c'est de rencontrer les gens, boire des coups, faire des dédicaces, et puis passer une bonne soirée. Quoi. Après, petite précision, c'est que le Dark Knight est certes inspiré du Black Dog, mais pas que. C'est que moi, n'étant pas que parisien, j'ai pas mal bougé et je me suis inspiré aussi au niveau visuel de plein d'autres bars ou tavernes axées métal. Et malgré tout, on en retrouve quand même beaucoup en France, dans toutes les grandes villes. Oui. On a bien sûr le Thunderbird à Saint-Etienne, Rock and It à Lyon qui n'a plus à faire ses preuves maintenant, le Titi Twister à Besançon, voilà, même dans les plus petites villes, on en retrouve. Ah oui. Et justement, pour créer ces histoires, est-ce que vous échangez un petit peu? Comment est-ce que ça se passe? Principalement, c'est Fef qui fait les observations, qui commence d'abord par un premier script, qui m'envoie sous forme à Word. Après, moi, je le mets en image et j'ajoute des éléments un peu humoristiques, des fois sur les détails. C'est pour ça que la BD fourmille de petits éléments qui sont un peu cachés dans le décor, des noms de groupes qui ont été modifiés, plein de petites choses comme ça qui se passent. Et puis je lui envoie d'abord un brouillon, puis après il me dit bon ça modifie-le, ça je suis ok. Enfin voilà, c'est une espèce de ping-pong comme la plupart des auteurs de BD qui fonctionnent en binôme. Quoi. Et oui, donc ce que tu fournis c'est un storyboard on pourrait dire. Ouais c'est ça. Ouais c'est un storyboard mais format BD quoi. Et donc voilà, petit à petit ça avance, ça se fait de manière assez naturelle finalement. Surtout là au bout de deux tomes, la mécanique est bien huilée. Et puis ça fonctionne à la fois sous forme de gag en une page, ce qui fait que chaque gag est indépendant. Mais on a essayé aussi d'intégrer une espèce de fil rouge qui relie chaque page. Une trame principale, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une espèce de trame qui est derrière, qui permet de voir que les saisons changent, que les relations entre certains personnages vont évoluer, histoire qu'il y ait quand même une évolution. Quoi. Une évolution. Après, ça peut se lire vraiment dans le désordre, mais si on le lit dans l'ordre, ça a quand même un intérêt parce qu'il y a des éléments qui évoluent au fur et à mesure des pages. Oui, j'imagine qu'au bout de deux tomes, maintenant, vous arrivez à bien cerner chacun des personnages et arriver à leur donner un peu plus de corps, on va dire. Ah ça fait un peu cliché à dire, mais au bout d'un moment, c'est les personnages qui vivent d'eux-mêmes, quoi. C'est que quand Fef m'envoie un début de scénario avec Vince fait ça, il dit ça, et puis il y a son pote Sam qui arrive, moi, direct, je vois la manière dont ils vont arriver et je sais que bah, le personnage va pas forcément parler de cette manière-là. Il va... Et là, c'est vraiment le personnage qui me dit non, moi je vais, c'est pas comme ça que je l'aurais dit. Et donc voilà, ça se fait de manière, c'est un peu chelou dit comme ça, mais c'est assez classique finalement dans les auteurs de BD. Au bout d'un moment, les personnages prennent vie et puis ils ont leur mot à dire dans l'écriture. Ça, c'est vraiment super. Et qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant sur la suite des aventures de nos pieds nickelés du métal ? Qu'est-ce qui va leur arriver ? Le festival ? Alors, je ne sais pas si vous l'aviez vraiment... Vous avez fait le bar était vraiment très emblématique dans les deux premiers. Mais ouais. le fest sur plusieurs jours, on ne le voit pas non plus énormément dans la BD. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre en image ? Oui, exactement. C'est que le premier tome, on restait vraiment principalement dans le bar et puis de temps en temps dans la salle de concert. Le deuxième tome, on a essayé d'ouvrir un peu notre univers, ce qui fait qu'il y a pas mal de gags qui se passent à l'extérieur et on voit aussi le vécu de chacun de nos personnages. La famille, comment, etc. Ouais, la famille, leur relation amoureuse, ou même c'est quoi leur vie de tous les jours en tant que métalleux. Notamment, il y a un gag de Vince où on voit, il se réveille, il a la gueule dans le cul, il se boit une bière, il va dégueuler dans les chiottes, il se prend une douche et il a vraiment toujours la gueule dans le cul. Et en dernière case, il met du gros son, il se prend un bon gros shoot de death metal et là, hop, il est comme neuf et là il dit ça y est, la journée peut commencer. Et donc voilà, ça c'était le tome 2. Et après, pour en revenir à ta question, le côté festival, on se l'était laissé sous le coude justement pour le tome 3. Le tome 3, l'idée c'est de faire un tome 3 qui commence le jeudi, l'avant-veille d'aller en festival, où ils se réunissent tous, c'est bon j'ai ma place, comment on fait, c'est bon t'as les duvets, puis hop, ils partent. Et ça va du jeudi jusqu'au lundi suivant, donc de l'aller jusqu'au retour en festival. Et où là, ça va être plus une histoire vraiment moins découpée en gags d'une page. Là, c'est vraiment une BD, un film narratif plus classique, on va dire, quoi. Oui, j'imagine que quiconque est déjà allé dans un festival métal et a déjà vu ce que c'était qu'un camping d'un festival métal a une tonne d'inspiration pour ce genre de truc. Moi, j'ai personnellement l'image d'un pote au Hellfest en 2008 qui était allé au Hellfest avec non pas une tente deux secondes, mais les anciennes tentes de la génération de nos parents. Il fallait vraiment monter et il avait oublié les arceaux. Il avait oublié les arceaux, donc il a dormi dans sa tente comme dans un sac de couchage pendant 3 jours. Ah bah ouais, je connais ça. Ouais. Surtout que ce qui est assez marrant, c'est que entre Fef, le scénariste, et moi, le dessinateur, on est assez complémentaires. Rien qu'au niveau musical, lui, il est plus de la scène, on va dire un peu plus old school, donc heavy, trash. Alors que moi, je suis plus issu déjà à la base de la scène punk, et après, par ça en est découlé, je me suis retrouvé vraiment dans mes souliers, plus dans la scène métal extrême, donc vraiment death, grind et black. Donc on a déjà ce truc-là au niveau des influences complémentaires. Et même sur le vécu d'un festival, on se croise assez rarement finalement tous les deux, parce que lui, il va être plus, on va dire, le festivalier modèle, si ça veut dire quelque chose. Vraiment, il va prévoir son running order, faire son emploi du temps, bien prévoir les changements pour enchaîner les groupes et avoir le temps d'aller pisser ou d'aller manger. Alors que moi, je représente un peu plus le côté destroy du festivalier. Ce qui fait que j'ai croisé pas mal de lecteurs à 9h du matin dans un camping de manière complètement impromptue et ça donne toujours des histoires un peu rocambolesques. Ne faites pas ça chez vous les enfants, mais voilà. Et donc c'est ça qui est cool, c'est qu'on a, sur ce tome 3, on a pu réunir nos deux vécus différents. En plus, lui, vu qu'il est photographe, il a aussi accès aux VIP assez régulièrement, donc il peut... Il peut vivre ça avec un certain confort. Moi, j'ai toujours refusé d'aller dans des campings un peu réservés aux bénévoles et tout ça. Donc, moi, je suis dans ce que j'appelle le camping des vrais gens, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, y compris de se réveiller aux urgences de Metz un samedi matin en sortant de l'hôpital et en me disant « Il est où le festival ?» Et non, c'était pas du tout la ville où était organisé le festival. Donc voilà, ça fait partie des anecdotes comme ça qu'on va essayer de raconter sur ce tome 3 qui a été en grande partie écrit par le scénariste et que moi jusqu'à maintenant j'avais pas pu trouver l'énergie à ce moment-là pour pour le dessiner. Et là, bah, on est remonté à bloc. Donc d'ici, ouais, comme je te disais, d'ici 2 ans, on va dire, le tome 3 devrait sortir avec une mise à jour, parce qu'entre temps, bah voilà, le temps est passé et il y a quelques éléments qui ont évolué. Donc ça nécessite quand même une mise à jour au niveau écriture, notamment sur le rôle des nanas dans les festivals. Et donc voilà. Mais voilà, le tome 3 est quasiment écrit à 80%. Le tome 4 est déjà en cours d'écriture. Là, on va plus se concentrer sur c'est quoi la vie d'un métalleux dans le milieu du travail, c'est quoi la vie d'un métalleux qui essaye d'évoluer, qui fait le choix de soit de rester dans le kiff d'un truc un peu adolescent, mais avec tout l'amour que je donne à ce terme, ou alors l'autre choix de se dire bon bah je vais être un peu plus adulte et essayer de, bah, par exemple, le truc traumatique que tous les métalleux de plus de 30 ans ont forcément connu un jour, se couper les cheveux. Et donc voilà. Donc voilà, le tome 4, bah, ça commence à évoluer, on prend notre temps, hein, mais ça va être un peu sur ce truc-là, sur comment un métalleux et sa passion qui souvent naît aux alentours de 14-16 ans, bah, comment cette passion continue à vivre et à battre dans son petit cœur cerné de bracelets à clous quand on dépasse la trentaine, et notamment, ce qui est mon cas, quand on se reproduit, quand on a des mômes. Et ça donne des trucs cool, hein. S'il y a des jeunes papas ici... Bah voilà, j'ai juste à leur dire les premières couches et logo de Grind. Et je pense qu'ils verront à peu près le lien entre les deux. Excellent. Alors, j'aimerais rebondir sur un truc avant d'envoyer la prochaine chanson. Ce sera le choix que vous avez fait de ne pas inclure de noms de groupes existants. Donc les membres de la bande, si vous voulez, semblent vénérer un groupe qui s'appelle Defenestrator. Pourquoi ce choix est... Pas pourquoi Slayer hein, ou un truc comme ça à la place. Parce que déjà il y a plein de noms qui sont cités mais qui sont à chaque fois un peu modifiés. Par exemple, oui. Napalm Death ça devient Platan Death, Cannibal Corpse ça devient Cannibal Corpse. Et donc voilà, on s'est amusé un petit peu avec ce truc-là. Et pour répondre à ta question, l'idée c'était de permettre quand même un petit pas de côté sur le réel. Parce que notre volonté, c'est d'avoir de l'autodérision sur nous-mêmes et sur la scène métal au sens large. Et on trouvait que c'était un peu trop contraignant de mettre des vrais noms de groupe. Là, le fait qu'ils soient tous modifiés et aussi qu'on ait créé des groupes au milieu de tout ça, bah, ça permet de créer un univers dans lequel on peut se projeter sans forcément se dire « Ah ouais, mais je suis pas d'accord » ou alors « ce groupe, il a vieilli ». Et sur le groupe Defenestrator, bah, l'idée, c'était de créer un nom de groupe qui, dans cet univers de la BD, est considéré comme le gros groupe, vraiment le « the big things ». Alors, certains pourront y voir Metallica, d'autres comme moi pourront y voir Slayer. Voilà, c'est jamais précisé. Mais l'idée, voilà, c'est de créer un groupe, d'ailleurs, dont on précise jamais vraiment quel est le style, pour que chaque lecteur et fan de métal puisse se dire, ah ouais, bah, ce groupe-là, ça pourrait être ça. C'était l'idée de donner corps à un groupe fictif pour que chaque fan d'un groupe, ouais, plein de métalleux ont un groupe, souvent c'est le premier groupe qu'ils ont découvert et pendant toute leur vie ça sera le groupe. Bah là voilà, plutôt que d'en choisir un et de dire bah voilà le groupe qui compte, ça va être Metallica, ça va être Creator, ça va être Sepulte ou autre, ou Slipknot pour d'autres, bah là on a choisi de créer un groupe fictif pour que chacun puisse imaginer mettre sa passion un peu débile des fois, un peu extrême pour un groupe et se dire bah voilà, je pense qu'il parle de ça. Mais donc voilà. Je te propose de passer à un nouvel extrait maintenant avec Ultra Vomit et Heavy Metal, ouais, qui représente un peu plus le côté heavy et puis bien sûr le côté marrant, puisque on a beau dire ce qu'on veut sur Ultra Vomit, ça reste quand même un des pionniers de cette scène-là. Je pense que tout le monde a absolument halluciné lorsque Objectif Thune est sorti en 2008. Puis moi, je me souviens avant ça même de Monsieur Patate au début des années 2000, quand ils étaient très très très très grind à l'époque. Ah mais oui, avec Alain Prost. Alain Prost. Et là, ce sera donc plus récent, extrait de Panzer Surprise sorti en 2017 avec Évier Metal. Judas Prost, ouais, c'est ça. Ah oui, exact. Yes, Ultra Vomit, Évier Metal. Alors Slow, on va sortir un petit peu de l'histoire de Metal Maniacs maintenant, si tu le veux bien. J'aimerais que tu reviennes sur ce que tu faisais au milieu des années 2000, il y a maintenant presque 10 ans, on vieillit, avec l'énorme TV et bien sûr l'émission Metal de l'époque présentée par Stéphane Buriès de Loud Blast. Tu intervenais sur chacune des émissions dans lesquelles il y avait un groupe qui était interviewé et tu dessinais quelque chose pendant l'interview que tu présentais ensuite au public et puis forcément à la télévision. Est-ce que tu peux revenir sur cette expérience présentée? Comment ça s'est déroulé, les souvenirs que tu en gardes, et puis si jamais il y a un artiste pour lequel tu as vraiment kiffé, qui a adoré ton travail, et qu'est-ce que tu as fait de tous ces dessins? Alors les dessins, je ne sais pas du tout ce qu'ils sont devenus en vrai. Je crois qu'il y a, SAS de Misanthrope qui avait pu le récupérer, mais les autres, je crois que c'est la boîte de prod qu'ils avaient gardé. Je ne sais plus exactement ce qu'ils voulaient en faire. Mais pour revenir à l'origine du truc, en fait, ça s'est passé au Motocultor. On tenait un stand avec Steph pour présenter Metal Maniacs. Et à un moment, on voit Stéphane Burier qui passe. Et en fait, il était en train de recruter une équipe pour monter la saison 2 de une dose de métal, et il voulait faire évoluer le truc. De ce que j'avais compris, il avait un peu plus de budget, et donc il cherchait un peu des idées, et puis il a vu le stand, il a vu la BD, et puis on a assez vite discuté. Pour ceux qui l'ont déjà croisé, Steph aka Bubu, c'est vraiment quelqu'un d'adorable et qui est vraiment très accessible, quoi. Et donc il est venu nous voir tout simplement sur notre stand d'éditeur indépendant, et puis il nous a dit si ça vous dit, moi je monte la saison 2 de l'émission de télé, et j'aimerais bien qu'il y ait un élément graphique qui puisse s'incorporer dans le programme. Et donc de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça, et puis trois mois après, je me retrouvais un mardi sur deux à enregistrer deux émissions pendant l'après-midi, où je venais avec mon format papier, avec mes feutres et puis ma peinture et une bonne chope de bière que je cachais aussi sous mon siège, parce que les projecteurs ça donne soif. Et puis ça a duré, je crois, 2 ou 3 ans où c'était devenu un peu pas une routine, mais ça agrémentait ma vie de tous les mois, avoir des fois des légendes de ouf qui se retrouvaient là à jouer en live, et pendant que l'interview se faisait, moi je dessinais un truc, et puis à la fin au début, c'était un peu avec la voix tremblotante face caméra, parce que pour quelqu'un qui a jamais fait ça, c'est quand même assez impressionnant. Je me retrouvais à présenter le dessin qui avait été fait pendant l'heure et demie d'interview. Et c'était super sympa, expérience. Hein. C'était sympa, hein. Je me souviens. Il y avait un beau concept. C'est dommage que ça se soit arrêté. Est-ce qu'on peut en connaître la région? Est-ce que tu la connais? Honnêtement, moi, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je sais qu'au fur et à mesure, ça avait un petit peu évolué, peut-être vers des trucs un peu plus mainstream et avec plus de sujets vidéo, des espèces de capsules, comme ils appellent ça en télé, qui s'intégraient dans l'émission pour dynamiser le concept. Mais non, honnêtement, je sais pas du tout. Je sais que c'était une des émissions les plus regardées de la chaîne, sachant que après l'énorme télé, c'était une petite chaîne, hein, mais de ce que j'avais entendu, ça allait jusqu'à 500 ou 600 000 personnes qui regardaient à chaque fois que ça passait. Et j'ai vraiment aucune idée. Hein, c'était connu. Il y avait du public, forcément. On était peut-être un peu moins dans la sphère YouTube, Instagram, etc., où on est abreuvé de vidéos de nos jours. Il n'y avait pas exactement tout ça. Il y avait bien sûr déjà YouTube et des vidéos qui étaient partagées, mais on n'était pas abreuvé de la même quantité que de nos jours. Donc il y avait, à mon sens, vraiment une part de marché, si on peut dire ça, à prendre. Ouais. Puis quelque part, c'est peut-être sorti un poil trop tôt, quoi. C'était peut-être un peu en avance. Je pense que si c'était sorti 2-3 ans après, justement avec la grosse émergence des chaînes YouTube et de tout le système de production qui est mis en place derrière, ça aurait pu donner un truc qui aurait pu durer plus longtemps. Mais bon, voilà, avec comme on dit par chez moi, avec des scies, on coupe des arbres. Donc on va pas regretter quoi que ce soit. En tout cas, c'était une belle expérience. Puis moi j'ai halluciné de me retrouver à croiser autant de groupes à 2 mètres sous des projecteurs, avec 2 caméramans de part et d'autre, avec leurs grosses machines qui filmaient tout ça. Enfin. Moi, j'étais vraiment dans un trip. What the fuck, quoi. C'est quoi ma vie? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais voilà, vraiment super expérience. Et encore une fois, vraiment merci Stéphane Burier de m'avoir permis d'avoir cette expérience-là. Ça m'a donné un petit peu le virus, d'ailleurs, vu que depuis, je réalise aussi des clips vidéo. Et je pense que c'est parti de là, quoi, de voir tout ce truc, la mise en place, les services, avoir les feuilles de service sur comment ça va se passer, le planning de tournage, voir les moments où on coupe, après voir comment c'est monté. Enfin voilà, c'est un truc assez fascinant en tout cas à voir, quoi. Et outre ton travail sur Metal Maniacs, tu as également réalisé quelques pochettes d'albums. Ouais. Ça fait partie de mon taf. Alors c'est un peu con à dire, alimentaire, on va dire, mais j'ai fait pas mal de logos, de pochettes d'albums, de clips aussi, un peu moins, mais l'idée c'est de me mettre à disposition des groupes pour essayer de retranscrire graphiquement ce que eux ils essayent de raconter par leurs instruments et par leur musique. Et c'est un truc hyper kiffant aussi. Il y a un côté un peu synesthésique, quoi, d'écouter la musique et d'essayer de voir, d'imaginer au niveau visuel ce que ça peut donner. Et selon les groupes, des fois ils ont des propositions, puis en écoutant leur son, je me dis j'ai autre chose à vous proposer, parce que quand j'écoute la musique, j'ai des images qui viennent et j'aime bien à chaque fois leur proposer ce qui me vient en écoutant leur musique pour voir si ça leur paraît cohérent ou pas, quoi. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on peut revenir sur un groupe français dont on parlait un peu plus tôt, que tu as creusé sur l'énorme TV, c'était Misanthrope, dont le chanteur SAS de l'Argilière a écrit la préface de cette réédition de Metal Maniacs. Donc comment est-ce que ça en est venu? En fait, ça a commencé, il y a très longtemps, je suis vieux. Moi quand j'étais ado, j'étais vraiment fan de Misanthrope, quoi. Fin années 90, les deux premiers albums, ça m'a mis une claque monstre. Moi qui avais en plus plutôt du mal avec le chant en français dans le métal, autant dans le punk d'où je venais, ça me paraissait naturel, mais dans le métal, je trouvais que ça sonnait un peu faux. Et Misanthrope, je trouve qu'ils avaient un parti pris avant-gardiste, en mode vraiment on s'en fout, on fait notre truc et on est un peu les seuls à faire ça. Et une vraie vraiment, personnalité. Ça m'avait marqué. Puis étant plutôt de nature littéraire, voir citer Le Tréhamon, Baudelaire et tout ça, ça me disait ah ouais, ça me parle. Sans parler de la musique. Rien que la basse, s'il y a des bassistes qui nous écoutent, Jean-Jacques Mauriac, c'est un bassiste de malade, quoi. Il apporte des trucs, c'est incroyable. Ouais. Et donc voilà, moi quand j'étais ado, j'étais fan de Misanthrope, je les voyais au loin dans les lumières. Et puis bien des années plus tard, pareil, au moment où Metal Maniacs est sorti, je me retrouvais dans un festival metal qui était à Denain. Et là j'ai croisé au rayon BD, parce qu'il y avait un disquaire et puis il y avait aussi un libraire indépendant, quoi. Et en feuilletant les BD, je vois juste à côté SAS de l'Argilière. Et donc tout penaud, je lui demande est-ce que c'est bien vous et tout. Il me dit ouais, à côté je fais de la BD, on fait une fresque. Et à partir de là, il est venu et très très naturellement il s'est intéressé, on a échangé nos contacts et lui aussi c'est un gros fan de BD. C'est que on sait que tu peux le brancher sur Metal Hurlant, ce genre de choses, de la littérature du métal, mais c'est aussi un fan de bande dessinée, vraiment un gros fan qui a une culture énorme là-dessus. Et donc voilà, on s'est assez bien entendu. Puis de fil en aiguille, quand le tome 2 est sorti par le biais de Holy Records, on avait pu participer à je sais plus quel anniversaire de Holy Records, je me demande si c'était pas les 20 ans. Pareil, j'avais fait une fresque, on avait fait gagner, on est resté en contact. Et puis quand Metal Maniacs est ressorti, je me disais ça serait cool d'avoir une préface d'un des acteurs majeurs de la scène française, et naturellement je l'ai contacté, et tout aussi naturellement il m'a dit ouais, Flo, avec plaisir. Donc voilà, ça s'est fait de manière très naturelle. Merci Internet, hein, pour le coup. Et donc voilà, il nous a fait un texte. Moi, j'avais la larme aux yeux quand j'ai vu ça. Je me suis dit, on dirait une des chroniques d'albums à l'époque où je recevais le catalogue Holy Records, où à chaque fois il y avait des groupes qui étaient mis en avant, et à chaque fois il y avait une plume des fois qui en faisait des caisses. Mais voilà, assumé quoi. C'est vrai. Là, de voir ce truc un peu dithyrambique en tant que préface, je fais waouh, mortel quoi. C'est que dans ma tête, j'ai fait un peu un check avec mon moi-même d'il y a 20 ans, et ça, voilà, c'est des expériences qui sont cool dans une vie, quoi, de pouvoir se voir soi-même en tant qu'ado, et pouvoir se regarder dans les yeux en disant ouais, ça va finalement, c'est cool ta vie, allez, je vais pas me flinguer. Je te propose d'envoyer ça tout de suite. Slow, encore une fois, merci pour l'interview ce soir. Jetez-vous sur Metal Maniacs 1 plus 2 égale 666, l'intégrale. S'il y a des Parisiens qui nous écoutent, demain soir du côté du Black Dog à Paris, une grosse stuff pour fêter Je serai également au Hellfest d'ailleurs. Je serai à l'Extreme Market. En général, je suis tout au fond, là où il y a les autres copains de bande dessinée. Ceux qui font Welcome to Hellfest, l'ami Pixel Vengeur qui bosse pour la BD Metal Vortex chez Ronkmuth, Will Argunas aussi qui fait des illustrations de ouf. Enfin voilà, on prend tout un mur et on est une joyeuse bande d'auteurs de BD métalleux. N'hésitez pas à venir nous voir, c'est plutôt cool. Quoi. Exactement. Avec plaisir. En tout cas, merci à toi pour l'interview ce soir. Chapeau pour le boulot. Et encore une fois, on attend les futurs tomes avec impatience. Ne change rien, reste toujours aussi motivé et énergique et à nous faire rêver avec cette bande de potes qu'on a tous connus d'une façon ou d'une autre, et à mon avis qui arrivera à évoquer, si tu veux, des souvenirs et des sensations chez tout le monde. Ok. Oui. Allez, on s'envoie tout de suite extrait de l'album Misanthrope Immortel, paru en 2000, qui a été réédité l'année dernière sur Holy Records. Cette version des Empereurs du Néant, réenregistrée avec le line-up actuel de 2021. Merci à toi, Slow. Merci pour le temps accordé. Et à très vite. Ouais, il sort à nous. Yes, encore une fois, merci à Slow. Jetez-vous sur l'intégrale de Metal Maniacs. 1 plus 2 égale 666. On remercie Slow pour l'interview ce soir. C'était vraiment super, super cool. Misanthrope, les Empereurs du Néant que vous venez d'entendre avec ce morceau, les Empereurs du Néant, extrait de l'album Immortel et sa réédition pour les 20 ans avec ce morceau réenregistré avec le line-up actuel. On passe maintenant à du Thrash Death avec Legion of the Damned et Contamination tout de suite dans Overdrive Radio Duo. I will enjoy killing one person every day. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre Legion of the Damned avec ce morceau Contamination pour les amateurs de thrash death metal. On continue tout de suite dans Overdrive Radio Duo avec le groupe de black metal Immortal qui nous sort ce War Against All, War Against All Immortal. Toujours emmené maintenant par Demonaz depuis que Abbat est parti du groupe il y a de ça une dizaine d'années. Le groupe n'en a pas vraiment changé son fusil d'épaule, même s'ils ont connu là aussi pas mal de changements de line-up et de dissensions internes. On s'envoie le morceau War Gods qui me rappelle peut-être un petit peu le Sons of Northern Darkness qui était paru au tout début des années 2000, qui est un excellent album d'Immortal. War Gods par Immortal. Red in mind, steel strong hand. Immortal War Gods avec cet album War Against All. On va même terminer maintenant l'émission ce soir. Encore une fois, on remercie Slow de Metal Maniacs pour l'interview ce soir. Ils seront du côté du Black Dogs à Paris pour une release party de leur 1+1, 1+2=666, l'intégrale, les deux tomes colorisés, 18 €, c'est vraiment pas cher pour un superbe objet, 166 pages de gags, d'anecdotes et vraiment de bonnes poilades autour du métal et d'une bonne bande de potes métalleux. On se quitte au son de Graveworm maintenant avec We Are The Resistance, extrait de leur dernier album qui s'appelle Killing Innocence, qui vient de voir le jour sur AFM Records, encore une fois dans une veine assez extrême mélodique.